comment l'homme peut-il améliorer son sort, je dirais presque. Si je dirais instinctivement, je dirais malgré tout ça, parce que je suis encore en train de penser qu'il est pogné, l'homme. Mais finalement, finalement, à travers l'homme, il est composé d'énergie, de matière, de. En fait, c'est qu'on est porté à penser que l'homme, que l'univers commence à la sortie de la peau de l'homme, alors que l'homme lui-même est à l'intérieur de l'univers. C'est comme si cette ligne-là, on a de la misère à se la rentrer dans le coco, comme on dirait. Alors, comment il peut l'améliorer son sort? Par où qu'on commence, finalement? Ben, il y a mille et une façons. Tout à l'heure, on a appris. On parlait surtout de la mille et unième, parce que l'une et l'autre, on les a répétées continuellement. Les personnes qui veulent améliorer leur sort le veulent à la condition qu'il n'ait rien à changer pour améliorer leur sort. Alors, ce qui crée déjà un dilemme, si tu veux améliorer ton sort, c'est que ton sort n'est pas, enfin, ta vie n'est pas comme tu la voudrais. Et si ta vie n'est pas comme tu la voudrais, c'est parce qu'il y a des choses que tu fais qui ne devraient pas être faites. Et il y a des choses que tu ne fais pas qui devraient être faites. Alors déjà, c'est la base même de l'amélioration de sa vie, de son confort, enfin de son sort, disons que c'est le terme qui vraiment contient toutes les autres formes d'expression de la vie humaine, de vie psychologique ou matérielle, ou etc. Alors ce qui fait que si la personne ne veut pas changer, mais qu'elle veut améliorer son sort, cela veut dire qu'elle ne veut pas quitter ce qui l'embête. Elle ne veut pas quitter ce qui la nuit. Si ces choses-là sont aussi source de plaisir. Une fois par semaine, ton auto ne démarre pas parce que c'est une vraie picouille, mais tu ne veux pas la vendre parce qu'elle t'amène une sécurité. Alors, ce qui fait que ton sort ne peut pas être amélioré, toi, tu vas dire, oui, mais elle n'aurait rien qu'à mieux marcher. Si mon auto fonctionnerait mieux, ben mon sort serait amélioré. Mais l'idée, c'est que tu ne peux pas améliorer le sort de ton auto. Et étant donné que ton sort, ta béatitude dépend de la béatitude de ton auto, bien évidemment, ton sort est entre les mains de ton char. Si ton char part, tu es heureux. Si ton auto ne part pas, tu es malheureux. Alors, comment améliorer ton sort? Il faudrait que tu changes quelque chose dans ta vie. Si on dit tout de suite, on va parler des critères de base que tout le monde peut toucher, aborder pour améliorer son sort. Cesser de fumer. Évident. Se donner du temps pour pouvoir relaxer, pour pouvoir prendre des vacances. Alors, plusieurs vont dire qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils ont trop de travail, parce qu'on a des raisons tant qu'on en veut. Je pourrais en énumérer plusieurs qui sont réellement matériels, qui sont facilement tangibles, on peut les toucher. Mais ces choses-là, on les a répétées tellement qu'en fin de compte, l'homme finit par en faire une habitude. Il le sait. Et vu qu'il le sait, ben, selon lui, c'est une raison pour ne pas l'appliquer. Alors ça, je le sais, ça. Mais as-tu un autre moyen maintenant d'améliorer mon sort? Tu prends des médicaments pour dormir. Alors pour améliorer ton sort, je te dirais, prends ton argent, puis va suivre un cours de yoga ou un cours de relaxation, ou ben encore va-t'en en campagne une fois de temps en temps, ou va jouer dehors, ou viens jouer en dedans. Mais tu peux prendre ton argent pour réussir à te donner un sommeil qui va être autrement que chimique. Maintenant, la personne, encore là, ne veut pas faire l'effort. Alors ça, elle sait ça. Ça, pas de problème. Maintenant, as-tu un autre moyen d'améliorer mon sort? Les moyens miraculeux, ben, il y en a. Ils sont à la portée de ceux qui ont une essence miraculeuse. Alors, encore une fois, ce n'est pas la solution. Comment améliorer son sort? Je vais donc aborder le problème de façon à ce qu'il puisse être utile à l'homme. Et pour qu'il soit réellement utile à l'homme, je dois aborder le problème sous une facette qui n'a jamais été apprise par l'homme. Parce que, comme je l'ai dit, si c'est connu de l'homme, l'homme le sait. Et s'il le sait, il calcule que c'est suffisant pour ne pas le mettre en pratique. Il veut d'autres choses. Quelque chose qui, à un moment donné, va pouvoir transformer sa vie sans que lui n'ait à transformer sa vie. Gagner à la loterie. Alors, si je vous donne des combinaisons gagnantes pour gagner à la loterie, tout le monde veut y aller parce qu'on n'a pas à rien se transformer, on a juste à essayer. Mais ce n'est pas des solutions pour améliorer son sort. Alors, on va aborder le problème de son sort en essayant de voir de quelle façon on remet la qualité de notre vie psychologique, la qualité de la perception de notre vie dans les mains d'autrui. Et si je remets la qualité de ma vie ou la qualité de la perception de ma vie dans les mains d'autrui, mon bonheur ou la qualité de mon sort va donc dépendre de l'extérieur. Et ça, on le fait régulièrement, continuellement, parce qu'on a été habitué à remettre la qualité de notre sort à l'extérieur. Tout à l'heure, je donnais l'exemple, mon auto ne démarre pas, je suis malheureux, je suis vexé, je suis mal pris, je suis dans un état qui n'est réellement pas un état de bonheur. Alors, ce qui fait que j'ai remis la qualité de la perception dans l'auto. Si l'auto part, je suis heureux. Si l'auto part pas, je suis malheureux. Alors, je crois que si on perçoit qu'effectivement, on remet la qualité de notre sort dans les mains de l'extérieur, on ne peut pas arriver à avoir un sort ou à améliorer son sort ou avoir une vie qui va avoir une qualité, disons, suffisamment bonne pour nous permettre d'arriver à comprendre des mécanismes, autrement dit, pour nous permettre d'arriver à évoluer, autrement dit, pour nous permettre de monter notre taux vibratoire. L'homme qui n'exprime qu'une psychologie rébarbatrice, une psychologie de révolte, une psychologie colérique, une psychologie de déception, ne peut faire autrement que de garder un taux vibratoire suffisamment bas pour lui permettre de vivre des émotions qui sont des émotions négatives. Donc, je dois donc, dans un premier pas, arriver à vivre des émotions qui seraient, je les appellerais, positives. La joie, une expression souriante, ce que l'on appellerait le bonheur. Et le fait de pouvoir vivre d'une manière plus heureuse n'amène pas l'être humain à être complètement évolué, mais il le soulage quand même d'une grande partie des entraves à son évolution. Si vous vivez dans la forêt et que vous n'avez pas de nourriture, vous n'êtes pas cultivateur et vous êtes pris présentement dans la tempête qu'il y a dehors, en plein milieu de la forêt, dans le parc des Laurentides, par exemple, et que cette tempête dure 3 mois, évidemment, votre évolution va se limiter à la recherche de nourriture et à l'entretien d'un feu. Donc, si on peut vous fournir de la chaleur et de la nourriture suffisamment en abondance, votre évolution va donc se limiter à autre chose que la recherche de nourriture et l'entretien d'un feu. Et moins vous allez avoir d'entraves matérielles et moins vous allez avoir d'entraves psychologiques, plus vous allez être capable de prendre votre temps pour l'évolution ou pour l'éducation, hein, ce qui est la même chose, et plus vous allez être capable d'exprimer des vibrations qui vont vous permettre d'avoir une facilité à arriver à comprendre ce qui se passe. Donc, si je remets continuellement, alors je remets comment? Voilà, c'est simple. Ce soir, le seul sujet qu'on va élaborer en ce qui concerne l'amélioration de son sort, c'est que je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi vous ne devez pas être poli. Alors donc, je vais essayer de vous enseigner l'impolitesse. Et si vous arrivez à être parfaitement impoli, vous allez améliorer votre qualité de vie d'une façon extraordinaire. Maintenant, évidemment, plusieurs personnes ont une idée de ce qu'est la politesse. C'est du monde qui ont été éduqués à être polis et qui éduquent les autres à être polis. Ce qui fait que déjà en partant, leur sort commence déjà à être un petit peu démoli parce que leurs idées entrent un peu en conflit avec ce que je viens de dire. Mais l'homme ne doit pas être poli. L'homme qui est poli, c'est un imbécile. L'homme qui est impoli, c'est aussi un imbécile. Parce que l'homme qui est impoli vit dans un monde de politesse. Mais la politesse, c'est de la stupidité humaine. Qu'est-ce que c'est la politesse, sinon une habitude programmée de certaines choses qui doivent être faites ou dites dans certaines situations? Vous êtes un être humain poli, vous rentrez dans un restaurant et vous dites bonjour au tenancier. Le tenancier ne vous regarde même pas, vous êtes frustré. Parce que vous êtes poli. Et parce que vous êtes poli, vous vivez dans un monde de politesse, et vivant dans un monde de politesse, vous exigez, étant poli, que tout le monde soit poli. Donc, vous remettez déjà la qualité de toutes vos relations avec les humains dans les mains des autres. Comment me trouves-tu habillé ce soir? Donc, je l'oblige à me dire « très bien », sinon il me frustre. Alors, pourquoi poser une question stupide qui oblige l'autre à me répondre selon ce que je veux, sinon je me sens, je perds de la qualité dans la perception que j'ai de ma réalité et de ma vie. Est-ce que tu aimes ma nouvelle coupe de cheveux? Non. Voilà. C'est fait. Alors, on est poli. Tu rencontres quelqu'un que tu connais à peine. Comment ça va aujourd'hui? Ah, très mal, très mal. Puis là, il passe 20 minutes à te conter ses histoires. Alors, t'as 20 minutes de temps de te demander pourquoi tu lui as demandé comment il allait. On est poli. Mais on se fait toujours avoir par notre politesse. Maintenant, le fait d'être impoli, il faut s'entendre. Il ne faut ni être impoli, ni être poli. La politesse, ben, on peut le concevoir, c'est une espèce de code d'éthique morale qui, supposément, permet une relation d'une meilleure qualité entre deux individus parce que les deux individus ne sont pas suffisamment évolués pour arriver à avoir une qualité de relation qui pourrait être ne pas programmée, qui pourrait être sans programme. Alors, si je suis suffisamment intelligent, je peux me permettre une relation humaine sans être limité par un cadre programmé. Et si je ne suis pas suffisamment intelligent, alors là, évidemment, je dois naviguer, évoluer dans un cadre programmé que j'appelle la politesse. Bonjour, monsieur, comment ça va? Ça va bien, même je me fous de savoir comment il va. Voulez-vous passer avant moi? Non, passez avant, puis etc. Bon. Alors, si quatre fois je fais passer le monsieur avant moi et la cinquième fois, je pense que c'est à son tour à me faire passer puis que lui, il ne me fait pas passer, je suis frustré. Parce que moi, étant poli, je vis dans un monde poli et dans un monde poli, tout ce qui n'est pas poli devient frustration. Chaque fois que vous posez, et c'est simple, la vie, c'est une relation. Et la relation, c'est aussi de l'expression, c'est aussi de l'expérimentation, c'est de l'évolution. La majorité de votre temps va donc être passé à vivre en relation. Relation avec un autre individu, relation avec la matière, avec un grille-pain, avec un aspirateur, avec un chien, un chat, avec une automobile, etc. Donc, la grande partie de notre vie se passe en relation. Je suis présentement en relation avec vous et vous êtes en relation avec moi. D'une façon qui est, moi je parle et vous écoutez, mais il y a relation. Maintenant, si vous venez à une conférence et que vous vous attendez à ce que le conférencier ait une certaine éthique ou l'intervieweur ou etc., vous êtes poli. Vous vivez dans un monde régi par la politesse. Ce qui fait que si l'extérieur ne cadre pas dans ce cadre qu'est la politesse, c'est de l'impolitesse et vous êtes déjà manipulé, c'est-à-dire que la qualité de votre sort, la qualité de votre vie commence déjà à être transformée. Elle est égrenée. Maintenant, comment pouvons-nous remplacer la politesse de l'homme qui vit en relation mais qui ne comprend pas la relation par quelque chose qui permet la relation entre deux hommes qui comprennent l'importance d'une relation? Je n'ai jamais été poli avec mon public. D'ailleurs, je n'ai pas de public. Alors, ce qui fait que, étant donné que je n'ai pas de public, je peux me permettre de me foutre royalement de la politesse. Ce qui me libère, ce qui me permet de temps en temps de dire ce que je crois qu'il doit être dit, et de répondre selon ce que bon me semble aux questions qu'on me pose. Donc, je ne suis pas poli. Certaines personnes peuvent croire que je suis poli. Ils peuvent même m'aimer pour ma politesse. Mais moi, je suis totalement impoli, c'est-à-dire que je suis aussi impoli. Je n'ai rien à foutre avec la politesse. C'est quoi la politesse? Comme je vous le dis, et ça je tiens à ce que vous le compreniez, c'est simplement une espèce de carcan, une limitation à notre expression et une limitation à notre relation. Si Tu viens me voir pour un conseil, mais que les règles de la politesse m'interdisent d'employer certains mots ou de te parler directement, ou etc., etc., notre relation, elle est une foutaise. Et quand une relation est une foutaise, il y a frustration quelque part. Vous rencontrez votre mère, votre belle-mère, et elle fait des choses que vous considérez comme étant négatif, dangereux pour sa santé, stupide ou n'importe quoi, mais vous n'arrivez pas à lui dire parce que vous avez peur qu'elle se mette en colère. Évidemment, vous avez toujours respecté vos parents, et le respect est une autre stupidité de l'évolution. Le respect poli, évidemment, et vous ne pouvez pas arriver à lui parler. La politesse vous oblige à parler à votre patron quand il est disponible à vous écouter, et non pas quand vous êtes disponible à communiquer. Alors, la relation, elle est où? Elle est aux poubelles. Vous rentrez dans un autobus, vous dites bonjour au chauffeur d'autobus qui ne vous regarde même pas, vous en allez vous asseoir en arrière, vous demandez qu'est-ce qu'elle mouche qui l'a piqué, hein? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Bon. Mais encore là, votre relation a été brimée par la politesse. Et continuellement, partout où vous allez, vous vous achetez une nouvelle voiture et vous allez demander à tout le monde comment il la trouve. Vous allez simplement placer votre bonheur, votre joie entre les mains de tout le monde et après ça, ben là, vous êtes maintenant rendez-moi heureux. Alors, comment tu trouves mon auto? La politesse oblige celui qui observe à dire « Ah, très, très, très belle, c'est un très bon choix ». La vérité, la réalité là-dedans? Mais non, la réalité n'a pas de cadre dans la politesse. La politesse ne communique rien de réel. La politesse communique ce que tu veux recevoir. Si tu me demandes, si tu arrives et tu me dis mon chandail que j'ai acheté vraiment laid, hein, qu'est-ce que tu en penses? Ben, la politesse va faire en sorte que je vais dire oui, ben, il est laid, mais il n'est pas si laid que ça, il peut quand même te faire. Bref, pour arriver à t'expliquer que tu n'es pas si cave que ça de l'avoir acheté, mais tu n'as pas tort non plus de le trouver laid. Ben, parce que c'est ça la politesse. C'est ça la politesse. Tu rentres chez quelqu'un et puis tu dois bouffer tout l'assiette au complet. Parce que sinon, il va penser que tu ne l'aimes pas. Puis si tu tombes sur quelqu'un qui, elle, ben plus tu en manges, plus qu'elle pense que tu en veux, alors continue d'en mettre, ben évidemment, à un moment donné, la politesse, elle doit finir par, bon. Moi, je ne fume plus. Ah, oh, prends une cigarette. Non, j'ai arrêté. Ah, oui. Ben, à un moment donné, la politesse, c'est que tu fumes. Parce que la politesse de l'autre fait qu'il ne peut pas fumer sans t'en offrir. Et continuellement, notre relation entre êtres humains ou entre matières, elle est régie par un cadre qui ne va pas du tout avec un cadre d'évolution, qui va avec un cadre social qui permet à des animaux de pouvoir communiquer. Mais seulement à des animaux, pas à des hommes, pas à des êtres humains. L'être humain va communiquer d'une façon diplomate, d'une façon efficace. Et la diplomatie, chez l'homme intelligent, remplace facilement et d'une façon beaucoup plus adéquate la politesse. Si tu es mon patron et que tu viens me voir et tu me demandes comment je trouve tes nouvelles cravates, bon, je me fous bien royalement de mon patron, alors je lui dis qu'elle est extrêmement belle. S'il lui dit, par contre, moi je la trouve laide, t'es fait avoir par ta politesse. Si tu es diplomate, tu auras toujours un moyen pour pouvoir dévier la réponse ou encore tu lui donnes ce que ça te tente. Lui est poli et si lui est frustré, c'est son affaire. Maintenant, si vous demandez une augmentation à votre patron et que lui dit oui, ça m'intéresse de t'en donner une, mais avant j'aurais quelque chose à te demander, tu veux-tu me rendre un petit service? La politesse ferait que normalement, vous allez dire oui. La diplomatie, dans ce cas, va faire aussi que vous allez dire oui, parce que vous voulez votre augmentation. Et la politesse et la diplomatie, c'est deux choses. La diplomatie, c'est hypocrite, si on la compare à la politesse, mais c'est efficace. C'est pas stupide. Alors, ce qui fait que je vais donner à mon patron tout ce qu'il veut, je vais le trouver le plus beau, le plus fin, le plus intelligent, et je vais avoir mon augmentation de salaire. Et lorsque le patron veut me demander si je peux lui prêter mon auto, alors, je peux être suffisamment diplomate pour qu'il se rende compte que mon auto a un problème de transmission, je perds de l'huile, etc. Et je reste toujours aussi poli, mais c'est non. Alors, la relation dans l'être humain n'est pas brimée, elle n'est pas certains vont dire, oui, mais la relation devient de plus en plus, disons, moins fun. Hein? On finit par perdre plaisir à avoir une relation. C'est faux. C'est complètement faux. Parce que vous n'aurez plus peur de répondre au téléphone. Comme ça, si c'est la voisine qui veut vous parler une demi-heure de temps, ben vous allez être capable de répondre au téléphone et diplomatiquement, c'est-à-dire d'une façon qui va lui paraître polie, mais vous n'êtes pas poli du tout, vous lui coupez carrément la conversation, qui va lui paraître polie, vous allez briser la conversation pour arriver à exprimer ce que vous avez à exprimer. Et ça, c'est une façon d'améliorer son sort qui est extraordinaire. Et quand je parle d'améliorer son sort, je parle d'améliorer presque 20 heures par jour. Vous allez continuer à fumer, vous allez continuer à manger ce que vous mangez, vous allez continuer à être stressé possiblement, mais un peu moins si déjà vous êtes plus poli. Vous allez continuer à être malade, vous allez continuer à avoir des pannes de moteur. Mais si vous êtes diplomate et non pas poli, la diplomatie peut facilement imiter la politesse. Seulement lorsque c'est diplomate d'être poli. Et elle imitera l'impolitesse lorsque c'est diplomate d'être impoli. Qu'est-ce que c'est la diplomatie? La diplomatie, c'est comme un homme politique. Dire n'importe quoi pour avoir ce qu'on veut. C'est ça, la diplomatie. C'est pas se baser sur quelque chose. C'est simplement d'être efficace. Dire n'importe quoi pour avoir ce que l'on veut, c'est de la diplomatie. Alors, si je dois simuler la politesse dans un endroit où je vais, parce que si je ne suis pas poli, on me met dehors, je suis diplomate et je suis poli. Donc, ça n'entache rien la relation entre les êtres humains. Mais ça différencie la mienne en maudit. Parce que je ne peux pas demander à une personne d'être diplomate si elle n'est pas diplomate. Mais je peux facilement exiger qu'elle soit polie si elle est impolie. Donc, je peux facilement remettre mon bonheur dans les mains de la politesse, mais je ne peux pas remettre mon bonheur si je suis diplomate dans les mains d'une personne qui n'est pas diplomate. Moi, je suis diplomate et tout ce que je veux entreprendre, j'arrive à pouvoir manipuler l'extérieur de façon à pouvoir laisser s'exprimer ma créativité. Je suis dans mon énergie. Et lorsque je suis poli, je suis dans l'énergie de la masse. Je suis donc limité par les lois régissant la masse. Si je veux aller dans un restaurant et que je commande un steak, on m'amène un steak qui est gros comme 10 cents, et la personne qui me sert me dit: je ferai remarquer à monsieur que depuis deux ans, les prix de notre steak n'ont pas augmenté. Là, tu peux lui dire non, mais la grosseur du steak a diminué en maudit, par exemple. Mais la politesse exige qu'on ne le fait pas. Et si on a une mouche dans notre bol de soupe, je parle d'une mouche, si notre soupe n'est pas tout à fait à notre goût, trop froide, ou etc., la politesse fait que normalement, on la mange puis on sème la boîte. Et la politesse psychologique limitative de l'être humain va faire qu'il va la manger, il va fermer sa boîte, il ne retournera plus au restaurant. Alors, si vous parlez, si vous pensez que la politesse réellement vient raffiner la relation, je crois que c'est un mensonge. Si je suis diplomate, je vais m'arranger pour faire comprendre à la personne que la soupe, elle devrait la changer. D'une façon diplomate, cela veut dire que je vais m'assurer que le cuisinier n'ira pas cracher dedans, après, comme ça se fait dans certains restaurants. Hein? Si on gueule trop fort, ben, le cuisinier n'aime pas ça, puis il peut faire pas mal de saloperies que vous ne saurez pas. Allez le bouffer, vous allez aimer ça, mais... Alors, en étant diplomate, on s'arrange pour que tout passe très bien. Être poli, cela veut dire qu'on ne place pas un bateau dans l'eau, parce que le bateau vient briser l'harmonie de l'eau. Être diplomate, cela veut dire que le bateau peut avancer dans l'eau en brisant l'eau, mais derrière le bateau, l'eau n'est pas fendue. Alors, le bateau peut circuler sur l'eau sans jamais entrer en conflit avec l'eau, même s'il va où il veut et l'eau ne le dirige pas. Alors, un bateau avance en fendant l'eau, mais derrière lui, l'eau n'est jamais brisée. Et la diplomatie, c'est ce qu'elle fait. Elle avance en fendant tout ce qui doit être fendu, mais derrière elle, rien n'est fendu. Alors, vous êtes diplomate, vous allez donc apprendre à ne plus remettre votre bonheur dans les mains de vos voisins. Alors, plus jamais vous allez demander psychologiquement une question, demander quelque chose à une personne avec l'intention qu'elle se doit de vous répondre telle chose pour vous rendre heureux. Alors, si vous vous habillez différemment, si vous achetez une nouvelle garde-robe, vous pouvez demander sincèrement votre avis à quelqu'un. Mais sachez bien que si vous le demandez dans un cadre qui exige la politesse, c'est-à-dire que vous ne voulez absolument pas savoir ce qu'il pense, vous voulez simplement qu'il accrédite ce que vous pensez. C'est ce que la politesse permet. Aimes-tu ma chaise? Ah, je l'adore! Ah, oui, c'est une bonne chaise, je l'ai achetée hier. Ah, confortable, c'est extraordinaire! Bon, on passe 5 minutes à jaser de la chaise. Puis après ça, ben, que vous l'aimiez ou vous ne l'aimiez pas. Si c'est important, si la personne veut vous la vendre, la chaise, au bout d'après 15 minutes, elle vous a fait. Pendant 15 minutes, elle vous fait dire que la chaise est extraordinaire, elle vous la fait essayer, vous l'aimez, c'est merveilleux, puis après ça, elle vous demande de. Si vous êtes intéressé à l'acheter, vous êtes encore à vous, vous êtes à voir. L'idée, simplement, c'est que vous devez rester complètement diplomate. Si vous n'avez pas besoin de quelque chose poliment ou diplomatiquement, vous le dites, vous le faites savoir au vendeur, vous le faites savoir à une personne. Vous êtes chez vous, votre mère vient vous visiter et la politesse exige que 2 semaines après, votre mère est encore là. Tout ce que vous pouvez dire, c'est qu'elle est très impolie. Mais ça ne vous arrange pas. Vous êtes extrêmement poli, elle est extrêmement impolie. C'est elle qui gagne. Tous ceux qui sont polis n'arrivent jamais à rien. Ceux qui sont polis sont des frustrés continuels qui essaient d'exiger de la société un cadre dans lequel eux-mêmes flottent. Alors, vu que je suis pris dans la politesse, mais la société, si tout le monde serait poli, tout le monde irait bien. Tout le monde serait bien. Tant que la politesse de la société fit avec la politesse de ma psychologie. Et lorsque je calcule que telle chose est polie, on peut dire telle chose à quelqu'un, ben tout le monde devrait changer de politesse pour accepter la mienne. Alors, ce qui fait que être habillé à l'aise, est-ce que s'habiller à l'aise, c'est être poli? Vous allez dans un mariage et vous vous habillez à l'aise. Alors, la politesse d'un mariage exige que, pas nécessaire d'être à l'aise, mettre les mariés à l'aise. Mettre la famille à l'aise, c'est la politesse, mais pas vous mettre à l'aise. Vous assistez à un bal masqué et vous arrivez masqué, mais déguisé en nudiste, par exemple. Oui, c'est pas conventionnel, c'est un masque. Mais la politesse exige certaines choses. C'est évident que si vous êtes diplomate et vous risquez de vous faire soit violer, soit mettre dehors, alors vous êtes diplomate, vous allez arriver d'une façon plus... adéquate, mais l'idée même, c'est que si vous êtes continuellement régi, à un moment donné, pendant l'été, j'ai demandé au public d'être à l'aise. Et ceux qui voulaient mener leur pantalon court pouvaient. Mais il y en a quand même qui se sont évertués tout l'été à venir en pantalon long avec un veston, une cravate et une chemise. Leur propre politesse l'exigeait. Mais ces personnes-là ont été frustrées et ont parlé de ceux qui, effectivement, venaient en pantalon court. Mais on était l'été, il faisait chaud. Et si le conférencier aurait été en pantalon court, alors là, plusieurs personnes qui auraient trouvé que ce que le conférencier dit n'a aucun sens. La preuve, il est en pantalon court. Mais c'est la politesse. Vous vivez dans un cadre poli, vous exigez donc de l'extérieur d'être poli, sinon votre cadre de politesse ne peut pas être exprimé. Si vous demandez à quelqu'un comment ça va et que lui vous répond carrément « pas de tes affaires », ben, il a raison. Ça ne vous regarde pas du tout. Puis de toute façon, ça ne vous intéresse même pas de savoir comment il va, sauf si vous êtes médecin, infirmière, ambulancier ou quelque chose dans le genre. Là, ça vous intéresse de savoir comment il file. Mais sinon, vous vous en foutez royalement. Alors, la politesse exige que vous demandez ça parce que la politesse, c'est que moi, je veux aussi qu'on s'intéresse de ma santé. Alors, si je demande comment ça va, lui devrait répondre bien, merci, parce que ça va toujours bien quand on demande comment ça va, même quand ça va mal. Et lui devrait me dire, et toi? Et moi, je réponds n'importe quoi, puis je passe tout droit. J'ai même pas besoin de lui répondre comment ça va. Parce que remarquez bien que, souvent, comment ça va, bien, merci, et toi? Qu'est-ce que tu as fait hier? La personne ne répond jamais. Mais c'est normal. C'est une entrée en matière. Une entrée en matière qui paraît banale, qui ouvre la matière, parce qu'on n'est pas suffisamment intelligent pour l'ouvrir d'une manière intelligente, on l'ouvre d'une manière habituelle. Mais si l'autre me répond brutalement que ça ne me regarde pas, l'entrée en matière ne pue. Mais on est entré en matière, oui, mais frustré. Alors, ce qui fait que cette politesse, elle est aberration. Maintenant, c'est extrêmement important de faire la différence entre la diplomatie et la politesse. Celui qui est impoli est régi par les mêmes lois que celui qui est poli. Alors, le fait d'être impoli, c'est de risquer d'être frustré encore une fois. C'est la même chose que la politesse. Celui qui veut absolument être heureux doit s'attendre à être malheureux. Ces deux choses-là vont ensemble. Et il en est de même pour la politesse et l'impolitesse. Si moi, je jouis de briser la politesse de tout le monde, donc d'être impoli, ben, à un moment donné, mes jouissances vont être limitées par une personne qui va jouir lui aussi d'être impoli. Parce que ça ne fonctionnera plus. Ou encore, je veux être impoli, je perds mon emploi. Yeah, je suis impoli. Le patron s'en fout, lui. Lui, diplomate, il n'est pas poli. T'es impoli, t'es serveur, j'ai pas besoin de personne impolie, va-t'en. Patron est diplomate. Alors, ça fait qu'à un moment donné, il faut réellement discerner entre l'impolitesse et la politesse. Ces deux choses-là, ces deux cossins-là sont deux stupidités de l'évolution. Ce sont des carcans sociaux, des carcans psychologiques qui empêchent l'être humain, qui empêchent l'homme de pouvoir exprimer son énergie. Avec la deuxième partie, est-ce que, Daniel, l'individu qui vivra son instant présent... Qu'on exprime son énergie... Comme s'il serait pour mourir... Dans un canal construit par une population, par un ensemble, par une collectivité, ce n'est pas son énergie que l'on exprime, mais son énergie colorée par l'extérieur. Les personnes qui se conscientisent ou qui veulent évoluer essaient continuellement d'arriver à être mentales, c'est-à-dire d'avoir une possibilité de réflexion qui ne sera pas colorée par l'astral. Il aurait à finir avant de mourir. Oui, mais si l'expression que l'on a de ce mental non coloré est colorée par le faisceau qui permet l'expression dans la société, ça ne vaut même pas la peine d'essayer de discerner le mental de l'astral. Mais pour arriver à un vous avez une réflexion intelligente, elle est colorée par votre émotion, vous allez essayer pendant un laps de temps quand de discerner l'émotion de la chose intelligente. Quand tu es poli, tu fais seulement ce qui peut se faire. À une araignée, et lorsque je pense à l'araignée, dans mon mental, je vois l'araignée. D'une personne mais en même temps que je vois l'araignée, c'est-à-dire en même temps que j'ai puisé dans ma mémoire la mémoire de l'araignée, j'ai aussi, sans m'en rendre compte, puisé la mémoire émotive liée à la mémoire de l'araignée. Alors, lorsque j'ai vu une araignée pour la première fois, j'ai été piqué par l'araignée. Donc, j'ai mémorisé l'araignée et la douleur et la peur psychologique avec l'araignée. Ne pas tenir compte et lorsque je pense à l'araignée, je ressors la mémoire de l'araignée. En même temps, je ressors le nuage émotif relié à la mémoire de l'araignée. C'est sûr que c'est un peu frustrant pour la tâche, pour notre égo. Je ne pense qu'à une araignée que l'on sans avoir fi de nos émotions. Ça, mais tu prends une décision colorée parce qu'elle est intelligente qu'elle soit prise. Hein? Tu n'iras pas t'acheter une paire de jeans à un moment donné qui te fait peur. Je pense à l'araignée, j'ai peur de l'araignée. Êtes-vous capable de penser à l'araignée sans avoir peur il y en a de l'araignée, qui se force. Sans aimer l'araignée, sans trouver belle l'araignée. Juste l'image de l'araignée exempte de toute autre forme de pensée. Si cela est, c'est une pensée mentale non colorée par l'émotivité. Soyons diplomates. Mais si vous avez une décision à prendre, vous allez fouiller dans votre expérience. Est-ce que la diplomatie ne devrait juger ne devient de une perte d'énergie analyser l'effet extérieur et votre expérience psychologique des et autres. De là, vous allez prendre une décision. Bon, c'est une perte d'énergie. Mais encore une fois, si les vertus à être expérimentés sont ramenés au mental en même temps que tout l'émotion d'énergie lorsqu'on l'on est poli, parce que lorsque l'on est poli, l'on exagère réellement dans un cadre qui va ou qui ne va même pas avec notre interlocuteur, par le mental, mais qui va avec ce qui devrait être fait. Donc, lorsque l'on est diplomate, on ne zigzague pas. Si tu veux quelque chose, vous avez un objectif, et vous allez graser l'araignée. Tu t'arranges pour l'obtenir, parce que si c'est une décision mentale... Alors, si tu ne veux pas zigzaguer dans la psychologie, par exemple, de notre individu, si vous en avez peur, et que si tu ne le fais pas, tu n'auras pas ce que si tu veux, je pense que tu as beaucoup plus d'énergie. C'est-à-dire que vous allez voir l'araignée, tu as un objectif et tu t'arranges pour l'obtenir. de la façon la parce que la vision de l'araignée la plus rapide dans votre mémoire possible. Pour pouvoir trouver un nom. Et de la façon c'est la plus araignée. Stable possible. Tous les connaissances. Alors si je suis impoli et que je rentre chez moi, votre conscience, je te demande même pas si je peux prendre le dernier morceau de gâteau qui reste, je le prends carrément. Dû à l'araignée. Effectivement, j'ai pas gaspillé d'énergie à essayer de l'araignée et dire ah, de me laisser dans le gâteau. Mais la prochaine fois, je vais venir chez toi, je risque de ne pas trouver pas en tout le gâteau. Et vous allez vouloir vous débarrasser de l'araignée. Alors, ce qui fait qu'en fin de compte, je suis diplomate, mais toutes les fois que je vais venir, elle n'est pas mentale. C'est la même chose alors, que le choix de la diplomatie, ce n'est pas une perte d'énergie à essayer de sauter ou de se faufiler qui sont dans les mécanismes psychologiques d'autrui. Romantiques vont remettre la diplomatie, c'est d'être capable de connaître le mécanisme d'autrui. Je l'aime, je l'aime pas. De par le fait même, d'être capable d'obtenir le meilleur résultat dans le temps le plus court possible. Un résultat la personne, qui va être je peux vivre certaines choses avec. Et ça, c'est de la diplomatie. Je le il y a sais pas mentalement. De perte mais étant donné que ma décision, elle est éteinte par toutes les motivités qui viennent colorer l'expérience si mentale est, que j'ai, je ne peux pas prendre une décision mentale. On est obligé d'imposer par la force. Je prends une décision colorée à l'extérieur. Leur imposer ce que l'on veut. Lorsque et il y a beaucoup plus de perte d'énergie la personne, à rentrer en guerre lorsque l'homme arrive à parler diplomatiquement. Et il est y a capable beaucoup plus d'énergie à faire l'expérience que l'on veut être poli dans la diplomatie. À partir de ce et c'est pourquoi la majorité de l'émotivité des grandes réunions de gouvernement, si on regarde simplement l'Assemblée nationale donc, au Québec, ils sont régis par la politesse, même si ce sont des diplomates. Ce qui fait qu'ils vont être extrêmement polis ou passer leur temps à s'engueuler, mais leur diplomatie n'arrive pas à s'exprimer comme ils vont pour arriver à quelque chose d'effectif. Je parce qu'ils sont métro, toujours en train de faire une guerre d'égo. Et une guerre d'égo ne peut être régie que par la politesse et l'impolitesse. Et la politesse dans la diplomatie, il n'y a pas de guerre d'égo. Parce que c'est stupide. Alors, ce qui fait que je vais m'arranger pour ne pas susciter de conflits personnels entre toi et moi si j'ai quelque chose à faire avec toi. Et si je suis poli et impoli, à un moment donné, tu peux faire tes réunions. Alors, c'est que la politesse ne peut pas se faire taire. Alors, je vais dire quelque chose pour que tu taises. Vu qu'on est régi par la politesse, c'est alors, l'impolitesse. Alors, je vais agir de façon mentale et je n'ai et là, pas tu commences à me dire que je suis impoli. Ils vont vouloir, en fait, vouloir tu es en train de discuter en même temps plus, que on est en train de faire une guerre d'égo. Et lorsque la guerre d'égo s'intensifie, on finit par un conflit de personnalité qui fait qu'on forme chacun notre parti politique et puis on s'engueule à savoir que tout ce que tu dis c'est une stupidité, dans mon c'est expérience, mauvais pour tout le monde, la mémoire, et tout ce que je dis c'est une ça qui est vécue, bon. Mais ça ne regarde jamais c'est réellement c'est bon pour moi. Chose quand est-ce qu'un directeur de lorsque parti politique je repense à mon accident va arriver au pouvoir et va dire bon, mon concurrent, ce qu'il a dit à un moment donné, il voulait me suggérer telle solution à tel problème. C'est génial, c'est ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va essayer de chercher une autre solution. Et en même temps, pour ne pas que je ramène cette expérience dans ma conscience. Cette idée, elle est valable, elle est bonne, on l'appuie. L'émotion. Puis si je chiale ton copie, ben merde, on ne fait pas de la politique donc, pour je colore trouver des idées originales. On fait de la politique pour être dans un gouvernement pouvoir qui va être capable de régler les problèmes. Si celui qui est notre concurrent a une solution valable, c'est moi qui ai rien. Ah ben merde, la solution, je la prends. Pour aller c'est pour chercher que je me putaine, aller le rencontrer, mais non coloré de l'émotion. Comment faire? Alors, je ramène l'accident et je revois l'accident. C'est ça qui doit le gouvernement va le faire. Mais hélas, plus souvent qu'autrement, on a trouvé une autre solution qui peut être moins bonne, mais qui est originale. Je n'ai pas peur pour au lieu de copier la bonne solution de celui qui a fait une chute de cheval, je peux remonter à cheval. Une politesse extrême. Lorsque je risque, j'ai passé proche de me noyer. Je suis capable de retourner manger. C'est à ce moment-là que la personne soit capable de sentir l'énergie de la personne dégagée, non pas seulement les mots. Je ramène l'expérience de la noyade embarquée dans les dédales psychologiques de l'autre. Mais elle ne perd pas son énergie à cheminer dans ce dédale parce qu'elle va connaître le dédale. Pour aller renoncer, je vais devoir y aller avec qui tu devras travailler. Si c'est à long terme, dans ma mémoire, ben c'est pas une perte d'énergie. L'expérience. Si tu as entré en guerre, connaître ton ennemi, faillite de noyade, c'est point fort avec et c'est point faible. De réussite, j'ai pu renager. La moitié du budget militaire donc, est passé dans la connaissance de l'avion espion. Les deux expériences vont venir. Dans la les deux schémas émotifs vont venir. Et je vais savoir bien que j'ai failli noyer, que j'ai peur, mais que j'étais capable de retourner après. Pour arriver au résultat que tu cherches. Ça, c'est une stupidité. Il n'y a pas de discernement. Si tu as à faire quelque chose avec n'importe qui, l'émotivité tu dois t'arranger pour en connaître tes mécanismes. Et l'action et non pas connaître toutes les fois que tu vois, etc., de te faire plaisir je et ou encore connaître le cadre Et lorsque je suis mental, je suis capable de regarder l'extérieur et à partir de mon expérience et l'extérieur, je suis capable d'exprimer quelque chose de mental. De politesse pour embarquer dedans et être régi par ton langage de politesse. De cette énergie mentale est limitée par un carcan extérieur. Cela veut dire connaître ton langage de politesse pour voir de quelle façon les failles de ce langage-là vont pouvoir t'amener à suivre mon langage diplomatique. Sauf même pas en peine de rien faire. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, si on arrive à des gouvernements qui seraient capables réellement, un dieu parce qu'ils seraient diplomates, de ne pas se ramasser parce en Assemblée nationale, celui à passer la moitié de la manière que tu travailles fait que les égrégores, essayer de que prouver qu'un tel, c'est un des égrégores néfastes, qui sont dangereux, qui sont possessifs, à se lancer des mots, puis à simplement dire « Oui, mais bien 15 ans, vous avez dit telle affaire, des échanges d'idées, ben oui, puis voilà. » Mais la politesse va faire que alors, ils 15 sont ans, j'aurais jamais réussi à te mais comprendre. Mais ils sont régis par la politesse dans la diplomatie. Ce qui fait qu'automatiquement, qu'il y en a un qui sort de toute politesse, ben on rentre dans l'impolitesse. Mais si je t'en parle, c'est pour obtenir un résultat. Et le résultat de diplomatie dans une guerre de guerre. Le résultat, c'est que je communique ce que j'ai à communiquer. Ou deux femmes ou deux hommes vont se rencontrer. Et si cette communication mentale est légie par un plan, c'est-à-dire que si l'un veut être plus beau, il va avoir raison sur l'autre. Et avoir raison, c'est simplement que si moi je suis poli, tu devrais être poli. Ça vaut même pas la peine d'être intelligent. Je me sens tellement important. Ça vaut même pas la peine de rechercher quoi que ce soit. Je me sens dans un état qui fait que je dois obliger tout le monde de donner dans le même. Je dois toujours exprimer des choses directes. Si je suis diplomate, je suis pas diplomate. Un tel a déjà dit ce qui mange alors, de mal. Si je suis diplomate, j'accepte facilement que tu le sois pas. Ben évidemment, tout le monde le dit. Si je vous le dis carrément, ah là, ça va plus être impoli. Alors, il fait que dans la politesse, t'as la guerre d'égo. Mais si je vous dis que c'est et dans la diplomatie, il n'y a pas de conflit de personnalité, il n'y a pas de conflit d'égo parce que c'est pas intelligent. C'est la politesse. Si on regarderait, par exemple, choses dans le genre, on finit aussi par le chacun de l'État. L'orateur n'a pas dit ça, c'est un tel plusieurs problèmes. Et tant que c'est les autres qui disent, on va voter un parti, on vote pour certaines solutions avec et on dénigre les autres solutions. Et le parti qui entre en place va s'arranger plus ou moins pour pouvoir mettre en pratique les solutions. Et il ne voudra pas étudier les solutions des autres partis. Il devra lui-même pour continuer à nourrir son conflit d'égo. L'égo de chaque des deux personnes qui a une programmation moins mais trouver d'autres solutions, donc, même si sont plus minables. Elle a un temps relatif rapports, on sort à maintenir cette relation-là après quoi date, est obligée de donner un choc qui va briser ça, une partie de la programmation pour de pour la simple raison que les solutions ont voulu qu'on les change parce qu'un tel criait sur la énergie psychologique sur le choix d'être poli ou d'être impoli. Qui fait du vol à l'étalage. Mais qu'il y a des solutions géniales à apporter à certaines choses. Alors on a un choix entre... Ben, on l'élimine parce que, moralement parlant, il va problème. Plus avec l'idée qu'on se fait des politiciens. Ou simplement, on le garde parce que, selon le niveau des solutions, il va avec ce qu'on a besoin. L'élève rentre chez lui, ses parents veulent l'aider, s'enferme à sa chambre. Si on regarde les États-Unis, par exemple, l'intelligence des États-Unis alors, il était poli, et l'intelligence, et la politesse ne peut pas aborder le problème. À un moment donné, on a un génie allemand qui a fabriqué des fusées. Il sera toujours jugé. V2. Et il était tellement rapide que les citoyens anglais, les avions de chasse, les Français et les Américains n'étaient pas capables de les suivre. Direct, et ce n'est pas c'était de non pas des fusées à hélice, comme les avions l'étaient. Quand tu dois manipuler, réaction, et ce n'est pas de l'impolitesse que de manipuler. Qui était chargé d'exploser. La politesse ne fait que manipuler. Mais les V1 et les V2 ont causé des dégâts en Angleterre d'une façon terrible. Mais si tu es diplomate, tu ne seras plus manipulé par l'extérieur. Un jour d'être attaqué par une flotte de V1 et V2. Je ne parle pas évidemment de l'extérieur. Il y a des fusées qui étaient lancées, qui allaient très très loin en atmosphère et qui allaient tellement vite que les radars servaient à rien. Les avions ne pouvaient pas les intercepter. Ces missiles-là sont incapables. Sinon, on et l'inventeur de ces missiles, lorsque la guerre a été gagnée par des choses plus grandes. Alors, une chose grande, mais facilement accessible, c'est le fait qu'est-ce qu'ils ont d'arriver à comprendre que l'on doit être diplomate et non plus poli. Et ce génie avait construit cela, CV1, V2, sans trop comprendre une relation. Mais ils n'ont pas décidé que c'était un moment donné, qu'il avait dans ton énergie, tu devras de la matière, du matériel. Donner le rythme. Ils l'ont pris puis lui ont fait un poste à la NASA. comme organisateur et comme directeur de tous les projets spatiaux. Tu dois et c'est lui qui a participé au projet Apollo, ou à une relation parce qu'elle est de nuit. Et à la majorité de tous les projets de l'étude de la NASA au niveau de tous les projets qui ont été dans l'espace. Vous avez sans doute déjà vu dans des centres d'achat. Les orbites, le LEM et tout ça. Une personne qui vendait... Si les États-Unis auraient été d'un autre race, ils l'auraient tué. Des maisons. Personne qui vendait des représentants pour vendre des sauteuses ou n'importe quel et genre de choses. La même chose. Ou encore qui vendait de l'assurance. Une guerre, des gros, il ne peut pas y avoir de diplomatie. Et le problème de la relation mais de l'homme envers l'homme, n'est pas dans de la femme envers la femme, qui est dans le centre d'achat. C'est le conflit d'égo. Qu'est-ce qu'il va faire pour être diplomate? Et lorsqu'il y a un conflit d'égo, il va lire le livre. Il y a toujours un conflit d'égo lorsque vous rencontrez quelqu'un de toute façon parce que vous croyez tout important. Et si c'est HR important, vous croyez toujours avoir plus raison que nous. Fabrique tout en ou encore, vous croyez minable. Et comme vous mettez de l'importance à vos croyants, ben vous vous organisez toujours pour avoir jamais raison. Alors, ils ne sont pas dans une relation entre les êtres humains, il y a toujours un conflit d'égo. Et c'est intelligent d'être vendeur lorsque tu vends. Et on essaie de régler ce qui fut conflit. Et c'est intelligent d'être un bon acheteur lorsque tu achètes. C'est-à-dire en plaçant un cadre qui va permettre à du monde qui ont des conflits d'égo d'essayer de communiquer sans que les conflits Tu t'arranges pour qu'il n'y ait pas de frustration chez personne. Tu rencontres quelqu'un qui est vachement supérieur à toi dans ton magasin, sa conception, tu as le dans choix son de efficacité, pour lui vendre n'importe dans quoi. Ses idées, tes diplomates. Certains bons vendeurs vont le faire, mais ils ne seront pas à tes côtés. Il n'y a pas de problème aller jusqu'à te dire. Et ah oui, mais si lui dit s'il voit qu'effectivement tu apprends que lui est dans le même team, il est diplomate, il va s'organiser pour que tu serves à quoi? La diplomatie, elle est pure, elle est mentale, mais toi qui es poli, elle n'est pas limitée, pas dire, elle n'est pas le perte d'énergie. Lorsque la diplomatie vire en politesse, et tu te laisses embarquer, et que ce n'est plus la réalité de la diplomatie, poliment, si vous êtes régi par une loi qui s'appelle la diplomatie, alors, vous n'êtes pas diplomate, poli, vous n'êtes pas de quoi, vous n'êtes pas diplomate. Ou en lui faisant un paquet de promesses. Il n'y a pas de loi qui régit la diplomatie. Mais ces promesses-là ne sont pas de diplomatie. Est-ce que vous avez un résultat? Dit quelque chose par la parole. Oui. Si j'en avais un, tant mieux. Mais il n'y a pas de règle de diplomatie. Alors, c'est il y en a qui sont diplomates parce qu'ils sont justement mentaux pour voir leur expérience et voir l'extérieur. Ils sont capables de se servir de leur expérience pour être efficaces dans l'extérieur. Ils ne se servent pas de leur émotion. Mais qui n'est régi par aucune loi de politesse. Ils sont diplomates ou on les appelle, disons, d'instinct. Le vendeur. Mais tout le monde veut apprendre à devenir diplomate. Tout le personne n'est poli. Ne demandez pas à un enfant qui mange avec ses mains alors qu'il faut attendre d'être poli. Hein, on n'est pas venu au monde poli. On n'est pas tous venu au monde diplomate non plus. On a appris à être poli, incapable de diplomate. Quitte à créer le besoin. Alors, ce qui fait que la diplomatie, tu vends des casseroles, tu vends des chaudrons. Jamais, jamais, jamais. Alors, il n'y a aucune loi qui régit la diplomatie. Tu vas vendre ça aux femmes, cuisine. Ou encore, si tu es réellement diplomate, bon vendeur, tu vas te présenter lorsque le mari est là. À créer des situations, donc à créer des formes. Et le mari ne voudra pas décider. À ce moment-là, on peut-tu dire qu'une femme... Avant que le mari dise quoi que ce soit, tu commences par montrer plus chose. Si tu demandes, oui, mais comment ça coûte une tout femme, ça? Moins une femme en toi, tu lui réponds, comment ça coûte? Plus elle a besoin de temps pour évoluer. Ben, c'est simple. Ça dépend. C'est si très toi, tu veux, si moi, je te dis simplement, veux-tu acheter mon auto? Et toi, tu irais à la recherche d'une auto. Tu vas dire, oui, je vais acheter ton auto. Et si moi, je te demande combien tu me donnes pour mon char, tu vas dire, ben, je peux-tu voir ton char avant de te donner un prix? Mais c'est la même chose. Tu veux acheter des chaudrons, tu n'es pas convaincu que tu en veux, puis tu me demandes... J'assiste souvent à des conférences ésotériques. Tous les conférenciers ont peur de parler du mal appelé Satan. Ils parlent néanmoins de ne pas avoir peur. Mais tu te dis, après, qu'est-ce que la peur, le diable, connaissez-vous le mal? Satan peut-il vous agresser à cause de ce que vous dites? Monsieur, sérieusement, pensez-vous que votre femme ne mérite pas un assortiment comme ça? Mais là, c'est souvent Vignon, des conférences belle de famille. Tous les conférenciers ont peur ma de parler du mal ça. Appelé Satan. Ils parlent néanmoins de ne pas avoir peur. Par un gars qu'est-ce que la peur du diable? Est-ce que votre femme mérite un assortiment de casseroles comme ça pour cuisiner? La femme là. Là, elle se balance royalement des chaudrons, elle check son mari en maudit. L'homme! Et si le mari dit oui, elle mérite, le genre ne le pas. Ne sais pas ce qu'est le diable. Ça revient au même que de dire non, elle ne mérite pas. La peur du c'est diable! C'est d'être diplomate. Et le gars, il est vendeur. Mais si toi, t'es diplomate, tu vas être capable de ne pas tomber diable. Dans ce chaudron. De bien l'homme ne peut connaître la peur du diable. Parce que l'homme a peur. Plus. Mais si toi, t'es diplomate, oui, parce que l'homme a peur. On dirait qu'on ne peut pas s'en sortir. Mais si je leur ai demandé, l'homme donne des chandrons, rentrez n'importe où, puis organisez-vous pour les vendre. Vous auriez dit c'est impossible non plus. L'une d'elles va être camouflage de cette peur. Ah ben c'est extraordinaire. Maintenant sortez-vous-en. Ah ben c'est impossible non plus. L'autre situation va être le rabaissement de son vibratoire. C'est possible si on est impoli, mais on risque d'avoir une chicane de famille. Et le rabaissement d'un taux vibratoire ne peut faire autrement. Parce que la politesse n'est pas de jeu. Par amour. Et c'est normal. Vous voulez faire quelque chose, mais pensez-y comme il faut. Puis si vous pensez que ça a réellement de l'allure pour vous autres, ben démerdez-vous pour le faire. Mais laissez-vous pas régir par les carcans d'expression de l'extérieur. Là, ce serait ridicule. La politesse, c'est quoi? C'est de passer pour un bon parent face à ses voisins. À connaître son schéma de vibration. Pas face à ses enfants. Car lorsque l'homme s'approche de ce schéma, alors si votre enfant arrive les cheveux teintés de bleu, il n'a plus ben de vibration suffisante parce que qu'est-ce que pour être dans une conscience quelconque. Bon, mais l'éducation, il est automatiquement éduquons les voisins, enfin, faisons-nous éduquer par les voisins, mais c'est fini là. Vous prenez votre baie avec votre garçon ou avec votre fille. Votre fille est là, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ans, mais c'est pour votre baie avec. Il suffit simplement d'aborder un concept diabolique, courses, c'est-à-dire l'idée que vous vous faites vous-même du à un moment donné, pour susciter en ça vous. Ça faut plus que ça se tâche. Alors, on va poliment donner un paquet de raisons, imbécile, connaissez-vous voisin, le mal? Un paquet de cossins, mais on n'arrivera jamais à être diplomate. Je connais alors, le mal plus que le mal se connaît. La personne qui veut se conscientiser, elle arrive à un moment Satan donné peut-il à vous agresser à cause de ce que vous dites? Dans sa tête. Vu que mais je elle ne peut pas mal, l'être dans le l'expression connaît, parce qu'elle ne sait pas comment exprimer. Parce qu'elle sent son expression régie par le cadre extérieur. Je m'arrange pour dire des choses qui ne pourront jamais servir aux forces de l'astral, c'est-à-dire aux forces sataniques, par exemple, de aux forces de autrui, de des façon mécanismes à ce qui régissent notre sort. Ne donnez plus à l'extérieur, l'homme a peur. Les conférenciers qui ne parleront pas du mal sont des conférenciers qui en ont peur ou qui sont diplomates, c'est-à-dire n'ayant pas mais la possibilité de faire comprendre voisin, c'est la ce que ce serait le mal, ils préfèrent ne mais pas en parler alors, ou encore disait, ils ne le comprennent pas eux-mêmes. Alors, bonjour, comment ça va? Peur, bienvenue, soyez les bienvenus, soyez-vous ici, elle n'aime pas la chaise en partant. Parler de Satan, pour la majorité, c'est attirer Satan. C'est diplomate parce que tu vends. Parler de Dieu pour la majorité donne jamais de résultat, on n'attire jamais Dieu. Tu as raison quand on est diplomate. Mais à un moment donné, si tu il est évidemment plus facile de faire du mal que de faire du bien, poli, parce que plus l'on se rapproche de forces psychologiques poli, qui sont basses en vibration, plus ces vibrations poli, sont en relation avec le plan vibratoire de la matière. Selon donc, tout ce qu'on demande poli, qui est mal se matérialise beaucoup plus rapidement poli, parce que leur schéma vibratoire est déjà plus bas, c'est-à-dire en rapport avec le plan de la matière. Et lorsque l'on prie pour le mettre poliment, parce que l'on prie dehors, Dieu, hein, parce que l'on prie n'importe quoi, parce que on s'adresse que à des vibrations hautes qui ne pourront pas alors, s'exprimer dans la matière j'ai amené de mon échange parce que leurs vibrations sont trop hautes et avant que ce schéma vibratoire haut moi, je veux puisse être densifié lorsque je veux m'exprimer façon je pourrait suis exprimer dans la matière au corps d'expression de l'extérieur puis sinon je ne peux pas m'exprimer alors évidemment plusieurs ont vendu leur âme au diable parce que le résultat est conscience mentale non colorée par l'émotivité qu'est-ce que la peur du diable autrement quand le colorant des vibrations qui sont basses et qui se trouvent ça vaut pas la peine de discerner grand chose. Et lorsque j'appelle Satan, la diplomatie, et c'est je ne chose fais qu'appeler un égrégore vibratoire. La majorité des hommes et cet égrégore qui vont à un moment donné comprendre la faille de la politesse par ma va mélanger l'impolitesse avec la diplomatie. Et automatiquement, votre taux vibratoire va baisser. Est-ce que tu veux me parler? Très non. Bon. Et la vibration si de Satan va donc prendre le nom, possession ça, de votre vibration et vous aurez l'impression si l'interlocuteur de toucher va vraiment, de là, il va donner des coups de masse sur la tête. Il va Satan peut-il vous agresser à cause de ce que vous discussion dites? Et ça, c'est un gros problème. Parce que premièrement, est-ce Satan, que tu veux c'est qu'on parle qui je suis. Non. Sachant pourquoi? Qui je suis. Bon. Non. Il ne viendra pourquoi? Pas. Pourquoi? Il n'a rien à faire. Il veut parler, lui. La majorité des êtres qui évoluent. La forme de réponse n'est pas diplomate. Ont elle suffisamment d'énergie dans leur propre psychologie pour faire fuir tout genre de vibration satanique. Mais étant donné que ce sont des énergies psychologiques... J'essaie de lui expliquer que tu veux pas parler, ces énergies sont des énergies pureuses. Elles ne connaissent que ce qu'elles connaissent, et elles ne connaissent pas ce qu'elles ne connaissent. Si tu fais quelque chose de mal... De par ce fait, elles ont peur d'expérimenter du nouveau. Vous avez peur d'expérimenter des choses nouvelles. Sauf si la chose nouvelle peut vous amener quelque chose que vous connaissez déjà. Comment ça va virer? On vira chicane. Autrement. Expérimenter ce couple, ça veut dire expérimenter la capacité que l'on aurait, nous, de ne pas être possédé par une femme d'énergie basse. L'autre est poli, c'est ça veut dire rester hautement vibratoire, mais entouré d'énergie basse. Il n'y aura pas de chicane, parce que les deux ne veulent pas se chicaner. De vouloir rencontrer sa femme, cela voudrait dire que si quelqu'un vous engueule, vous ne perdez pas vos énergies et vous restez heureux, plein de bonheur. Veux-tu me parler? L'énergie d'une personne qui vous crie après et qui vous engueule est une énergie plus forte. Si tu veux me parler, viens moi, je suis là. Si elle vous ramène et vous engueulez tous les deux, appelez pas Satan. Comme le disait un de mes amis, Satan... De temps en temps, je vais aller voir si mon conjoint a un problème. De temps en temps, je vais aller voir s'il ne veut pas me parler. De bien des manières, faites diplomate. Vous savez que quand une femme court après un homme, elle n'est pas polie, un diplomate en maudit. Une chose est sûre. Une fois qu'elle l'a, elle pense qu'elle va pas le garder. L'homme n'est jamais pris le matin. Et c'est la même chose pour l'homme. L'homme court après la femme et diplomate en tabarouette. Elle est manipulée par l'homme. Elle veut tel genre de fleurs, on lui donne des fleurs. Une fois qu'il l'a, la femme. Là, franchement, qu'est-ce qu'on tente de faire là? Vous émettez une énergie qui attire les grégores sataniques. Mais plus diplomatie. Vous manipulez ces égrégores. La relation entre deux individus. Et lorsque vous vous laissez pénétrer par ces vibrations, évidemment, vous restez manipulé et l'égrégore reste manipulé. Et si c'est diplomate que d'être poli, soyons polis. Mais lorsque c'est diplomate d'être diplomate et d'être direct, soyons direct. C'est quelque chose qui est vibratoire, qui est placé dans l'astral planétaire, c'est-à-dire qui est... Le parent va rencontrer les professeurs parce que les professeurs veulent mettre son... Quand je parle de Satan, je ne parle pas de Lucifer, évidemment. Alors on rencontre des professeurs, il faut être poli. Lucifer est un être de lumière. Même si on ne sait pas quoi, tout ce qui se passe dans l'école... Et lorsque je dis que Lucifer est un être de lumière, cela ne veut pas dire que c'est mon maître et que moi-même, je suis Satan. C'est important, ça. L'enfant... Lucifer est un être de lumière, beaucoup plus évolué que l'homme qui évolue sur la planète Terre, mais qui a eu quelques conflits de personnalité avec d'autres êtres de lumière. Ah oui, j'ai rien compris. Mais je peux pas et lorsque je parle de Satan, je parle de toutes les énergies créées par l'homme et par l'expérience planétaire sur le continent spatial qu'on appelle la planète Terre. Et ces vibrations créées par l'expérience l'expérience du début de la vibration de l'énergisation du plan astral planétaire, cette expérience nourrie par tout ce qui a été évolutionnaire sur la planète Terre, nourrie par tous les peurs, nourrie par tout ce qui est arrivé à l'homme et à la femme depuis le début des temps. C'est-à-dire lorsqu'il y a eu des guerres, des mortalités violentes, des possessions d'armes, des rythmes on rencontre les professeurs, et puis à un moment donné, qui étaient basés sur la magie noire. C'est-à-dire qu'il était basé sur une altération d'énergie, et jamais sur un rayonnement d'énergie. La magie noire est une magie qui tend à absorber l'énergie de l'extérieur et à la garder, donc elle la détruit. Ils sont polis, ils sont toutes poilées rentrées. Et les forces sataniques sont des forces que l'on appelle noires, parce qu'effectivement, elles ont tendance à recevoir et à ne jamais rayonner. Et la magie blanche est une énergie inverse. Vous avez jamais donc vu l'expérience humaine sur la planète Terre, la souffrance humaine, les désirs humains, ils n'ont jamais été d'accord, mais jamais ils sont gueulés des mots, jamais ils sont tirés des patates, tout ce qui dans l'homme amène l'homme à évoluer, c'est-à-dire à rabaisser le vibratoire, ont créé une entité égrégorien, c'est-à-dire une entité vibratoire mémorielle qui se promène dans l'atmosphère de la planète. Et quand on envoyait Henri Kissinger n'importe où sur Terre, où ça allait pas, on envoyait un diplomate. Chaque fois que Satan se présente quelque part, c'est qu'il y a déjà au départ une espèce de faisceau d'énergie qui est en résonance avec l'égrégore satanique et on aura donc une atmosphère satanique. Continuellement manipulée. Mais je répète bien, et cette atmosphère satanique peut se répercuter et s'exprimer de différentes façons. La diplomatie, ce n'est pas de l'impolitesse. Auditi, moi, je rentre dans ma classe, je vois toutes les bombes en même temps, sinon, moi, je m'en vais. Certains phénomènes de télékinésie peuvent apparaître. tu es pas une et vie, ça va rien changer. Homme ou femme qui est capable la de se tenir debout, ce pas de donc qui sait ce dans pas sa de psychologie ce c'est qu'elle arrivé est, au et qu'il y a que l'on une force mentale relativement évoluée. Relativement évolué en ce sens qu'elle est capable de se rappeler les expériences qu'elle a apprises au sujet du diable et de Satan, sans remonter avec ses expériences l'émotion. Puis ceux qui sont polis, de temps en temps, ils y arrivent. Non, donc, papa, il sera capable de dire à Satan de bien vouloir prendre la porte parce que ça pue dans la maison. Il y en a une montée de grands paquets qui sont polis. Et ce n'est pas une farce. Mais n'importe quelle personne, prenez un individu qui est possédé lorsqu'un prêtre vient le rencontrer. Surtout avec à peu près tous ceux qui vont côtoyer. Il leur donne. Ils sont polis, puis ils n'arrivent jamais à rien. Et le prêtre n'étant pas convaincu. Le prêtre n'étant pas dans son énergie, mais étant dans l'énergie d'une religion organisée, devra donc se servir d'un égrégore similaire à l'égrégore satanique, mais l'égrégore yavite, l'égrégore de sa religion, et il devra, par certaines formules, par certains rituels, magie blanche, il devra donc invoquer l'aide de Dieu. Pour que Dieu vienne chasser Satan. Mais poli et qu'on est petit à la politesse et à l'impolitesse, on est continuellement brimé et dans si une personne est dans son énergie et dans sa conscience mentale, même si c'est une conscience être diplomate, cela veut dire qu'on n'a pas besoin de servir des grégores. Cela veut dire être consciemment conscient. Or, ce qui fait que moi, en ce qui me concerne, de Dieu mener et Satan, ce que l'on veut, je suis beaucoup plus satanique pour Satan que Satan l'est pour moi. Alors, la personne, j'ai un numéro de téléphone, je dois appeler, sinon les c'est les créances. Je prends le téléphone, j'appelle pour m'arranger si pour que vendeur, moi, je puisse payer selon ce que je peux pour vendre son et non produit. Pas selon ce qu'elle veut. Attire-t-il un karma négatif, même s'il est efficace? Et alors, je donne mon téléphone au chignal et hypocrisie. Et puis, je lui parle. Il n'y en a pas. Puis je commence pas avec un paquet de flofleurs. Je m'arrange pour la mettre tout de suite dans mon jeu, pour lui vendre ce que je veux lui vendre. Première question, le vendeur, s'attire-t-il un karma négatif, même s'il est efficace? Et puis quand j'ai fini, il faut que ce soit réglé. Mais sachez que... Et si je pense à être poli, je sais même plus comment me présenter. Du karma. Si vous présentez devant le pape... Si vous n'exprimez pas convenablement une possibilité que vous avez... Canada, qui vient souper que si chez vous, vous l'exprimez, mais qu'elle est supportée par un désir, à l'envers parce que il vous ne n'est saurez pas tout comment à fait approprié. Présenter, comment l'accueillir. C'est-à-dire que vous ne saurez l'homme pas dans quel genre de politesse qui a agir. Des possibilités, mais qui ne s'en sert pas. Vous restez dans de le peur monde de s'attirer un karma mais si négatif. C'est-à-dire, elle a peur de se tromper dans ses décisions, et même si elle a un potentiel extraordinaire, elle ne l'exprime pas. Un jour, elle se verra retirer ce potentiel, et tout ce qu'elle aurait pu acquérir en l'exprimant, elle le perdra. Comment fonctionne le vacillant? Et toutes ces choses-là qui sont des choses qui ont quand même des structures extraordinaires. Pour l'homme expérientiel, d'expérimenter, et vous avez la visite du souverain de rester dans son cocon, mais vous allez l'accueillir d'une façon diplomate, et de rien faire avec. Il expérimentera quand même, mais il expérimentera des déceptions. Si on est régi par la politesse, des défaites. Pantoute, comment fonctionner. Donc, continuellement, soyez diplomate, soyez efficace, assoyez-vous au moins deux minutes avant d'être efficace, d'être diplomate, pour réfléchir bonjour, comment à ça ce va, qui va motiver bang. La dépense d'énergie type, pour arriver à un caisse, objectif. Pas merci, pas ni encore. Si ce que vous faites est je en accord cadeau, avec ce que vous voulez, merci. Ce n'est pas moi qui va vous dire ce que vous devez faire. Si c'est donne en accord avec au moins quelques concepts quelconques chez vous, les diplomates te donnent un cadeau pour avoir des soit supramental, mental ou astral, faites-le. Mais pensez-le bien avant, qu'on recherche. Si il y a erreur, vous aurez sans doute un espèce de karma à subir, c'est-à-dire que vous aurez un effet de retour. En tout cas, vous aurez la chance. Donc, vous aurez à vivre et à donner le pas à cet effet de retour. On va passer tout de suite à deuxième. Tu as une autre question? Non. C'est pas poli avec. On va passer à la deuxième partie. Le karma qui vous est obligé, okay. C'est un diplomate avec. Vous ne direz pas, oui, maître, je t'écoute, puis on va couper un bras. Le karma est une chose qui peut facilement être transmutée en leçon. Je l'ai dit souvent dans une conférence qui est les pièges du karma. On a une idée de ce qu'est le karma, mais le karma est bourré de pièges. Un karma, c'est une chose que l'on paye ou que l'on transforme en leçon.